Document 3, page 29. 1. La secrétaire parle quelquefois anglais. 2. Elle dort toujours chez mon frère. 3. Les enfants travaillent souvent avec leur professeur. 4. Tu rencontres quelquefois la stagiaire. 5. Il écrit rarement à ses parents. 6. Le directeur vient de temps en temps avec sa femme.